67 Waterloo. Hi Faustine, je suis Alison, comment allez-vous? Faustine trouve sympa cette manière typique d'appeler tout le monde par son nom de baptême ou son surnom. Pendant les années qui suivront, le plus difficile pour elle sera de se souvenir des prénoms de chacun, surtout quand on lui présentera 12 personnes d'un coup. Mais une fois l'habitude prise, c'est elle-même qui juxtaposera les visages et elle se trompera rarement. Aujourd'hui, elle se dit que sans doute cela remplace le tutoiement qui n'existe pas en anglais, comme un zeste de familiarité tout en restant sur son quant à soi. Le « hi » prononcé « hi », même si ça ne fait pas mal, est en général accompagné du sourire Colgate. Faustine se rend vite compte qu'ici, on fantasme principalement sur le sourire, entretenu à prix d'or et sur les pellicules dans les cheveux. À croire que les publicitaires ont tout investi dans ces deux seuls marchés. Toutes les femmes qu'elle a rencontrées à ce jour lui demandent quel shampoing elle utilise et comment elle fait pour éviter ces épouvantables peaux mortes qui saupoudrent généreusement leurs vêtements foncés. La pression est si forte en ce début des années 80 qu'il semblerait que les pellicules soient rédhibitoires au point de mettre en péril l'obtention d'un poste de travail. C'est du moins ce qu'on essaie de faire croire au prolétariat à grand renfort de commercials, publicité. Pour en revenir à Faustine, elle s'est présentée 67 rue de Waterloo à 9h du matin. Philippe, le patron et propriétaire, l'a aussitôt amenée vers son épouse, une belle jeune femme épanouie, bourrée d'énergie. Faustine n'a pas lu, encore moins vu, la petite maison dans la prairie, parce qu'elle lui aura immédiatement fait penser à Caroline Ingalls, cette femme pionnière indestructible qui résume à elle seule la sentence. Elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Cet état d'esprit, ce sentiment d'ouverture présumée, cette intuition, illusion de liberté, cette croyance d'omnipotence, sont toutes les raisons qui justifient à ses propres yeux la présence de Faustine en Amérique. Pour l'heure, conquise par la chaleur de l'accueil, elle répond « Je vais bien, merci, je me réjouis de travailler avec vous. Venez, nous allons commencer par faire notre marché au jardin potager. J'en serai heureuse. I'll be happy too. » Alison libère son mari d'un petit sourire avant d'entraîner Faustine à sa suite dans les dédales de la propriété. Au passage, elle lui raconte qu'ils ont repris le restaurant, acheté par Maxwell Hayward, le père de Philippe, en 1978. Pendant 3 ans, ils ont travaillé uniquement dans le vieux bâtiment d'origine, le 67 Waterloo, autre coutume américaine que de nommer un endroit public d'après son adresse. Bien sûr, ils rêvent d'expansion. Ils viennent d'ouvrir le Napoléon's, un bar aménagé dans une ancienne dépendance. Leur projet de développement comprend également 2 terrasses en plein air, ainsi qu'un vrai dancing supposé séduire toute la jeunesse des environs. Leurs parents, eux, fréquentent plus volontiers le restaurant gastronomique d'excellente réputation. Au passage, Alison présente Faustine à Katie, la barman responsable du Napoléon, et à sa fidèle acolyte. Dorothy, alias Dottie. Femme à tout faire, indispensable. Le bus boy, employé dévolu au déblayage et nettoyage des tables, n'est pas encore arrivé à 7h matinale. En tant que dernière venue, étrangère de surcroît. Et là, le fameux prestige français, inconnu au bataillon de l'inculture américaine, compte pour beurre. Faustine comprendra vite l'importance de ménager la susceptibilité de ceux qui accomplissent les tâches les plus ingrates. Un seul malentendu et c'est le fragile équilibre de l'équipe tout entière qui est mis à mal. Aussi, elle s'évertuera toujours, à l'exemple d'Alison, de témoigner un respect des plus flagorneurs, tant à Dottie qu'au busboy. Les deux femmes arrivent ensuite au jardin qui fait la fierté de la maîtresse des lieux. Alison y a planté aussi bien les fleurs qui ornent les tables du restaurant gastronomique que toutes sortes de plantes aromatiques. Thym, romarin, persil et ciboulette côtoient laurier, basilic, menthe et origan. Dans un autre carré, elle a installé de l'ail et des oignons. Plus loin, des choux, des salades et des tomates. Aubergines, courgettes et poivrons ferment la marche. Devant le compost, la place est faite pour les énormes potirons de cet automne. Alison explique que la maman de Philippe, originaire du sud de la France, lui a légué énormément de recettes méditerranéennes. Pour l'heure, Alison choisit quelques fleurs qui garniront les tables, puis coupe celles des courgettes pour en faire des beignets, ainsi que deux ou trois jolies salades. Elle y joint un peu de persil destiné à décorer les plats du menu, et voilà, on rentre. La cuisine tout en longueur fait environ 6 mètres sur 4. Elle comporte un grand plan de travail, sur lequel trône le plus gros robot culinaire que Faustine ait jamais vu, même à Chantilly. Il y a deux cuisinières à 4 feux et une salle à mandre. Sur les côtés, deux frigidaires de taille moyenne. On y entrepose les salades du jour et les desserts. Sitôt dans son fief, Alison entreprend d'émulsionner la sauce salade. Les hits du moment sont les salades César et la salade aux épinards. Faustine ne comprendra jamais l'engouement que ces épaisses feuilles amères suscitent, mais les clients en raffolent. Tous les lundis, Alison confectionne la sauce pour la semaine. Elle en garde une partie en haut pour le 67, partie gastronomique, et remplit un seau du reste destiné à Dottie pour le Napoléon. La petite carte propose également des salades au poulet, aux pâtes ou mélangées, ainsi que des quiches, des crêpes farcies, des clubs sandwich et toutes sortes de pâtisseries. Une spécialité de la maison étant la dacquoise. Un extraordinaire gâteau meringué aux noisettes, originaire de Dax, France, fourré de crème pralinée que la chef Bridget réussit particulièrement bien. Aujourd'hui, tu vas m'aider à préparer les sauces. Ensuite, nous verrons comment tu t'en sors avec les quiches et les crêpes. C'est surtout pour cela que nous avons besoin de toi. Il faudra réassortir les réserves de fond de tarte et de pâte à crêpes. Demain et le restant de la semaine, tu travailleras avec Bridget. Moi, je serai du soir. Bien remplie, la journée passe très vite. Faustine termine à 17h et franchement, elle en a plein les pattes. Mais Alison est contente d'elle, ayant compris qu'elle n'avait pas affaire à une déboutante avec deux mains gauches et autant de pieds droits. Miss Faustine redescend tranquillement de sa colline quand une surprise de taille la rejoint. Maxime et Jack s'arrêtent à ses côtés dans une superbe Cadillac. « Salut à toi, jolie madame, tu montes dans le carrosse ?»« Déjà rentrée ? Bonjour ! Mais je ne sais pas si j'ose rejoindre deux lascars aussi délurés. Ma vertu semble bien compromise. » J'ai peur que ta probité légendaire ne risque rien ce soir. Je suis en plein jet lag. » Pendant l'échange, Jack file sur le siège arrière. Faustine, riant à son tour, monte à côté de son chéri qui l'embrasse à bouche que veux-tu, sans vergogne du spectacle qu'il donne. Elle aime retrouver la tendresse de Maxime, qu'il sait dispenser en tout lieu et toute occasion. Au diable les bien-pensants. La jeune femme est immédiatement submergée d'amour pour son compagnon, réalisant à quel point il lui a manqué, même si son orgueil lui faisait prétendre le contraire. Assise confortablement, elle laisse échapper un sifflement appréciateur. « Quelle bagnole ! Elle est à nous ?»« Tu plaisantes, je l'ai louée. Nous ferons le tour des vendeurs de voitures d'occasion demain. Ce sera la leçon du jour pour Jack. » Tu en prendras une qui s'accorde à mes yeux ? » Maxime tourne la tête vers elle. Son regard bleu la transperce, pétillant d'un humour qui fait comprendre à la jeune femme qu'il ne lui en veut pas, même s'il ne peut s'empêcher de la titiller. « T'es pas gonflée d'avoir des exigences après ce que t'as fait à l'autre voiture. » Prise de court, Faustine se mord la langue. Pourquoi n'a-t-elle pas la répartie aussi facile que certaines de ses amies ? Elle enrage. Il est toujours trop tard quand la réplique cinglante traverse les brumes de son cerveau. Bon, reprend Maxime, passons aux choses sérieuses. Cette première journée de travail, convaincante? Ils ne t'ont pas fichu dehors avec perte et fracas, on dirait. C'est plutôt bon signe. Ben non, les paris sont ouverts. Et de détailler les péripéties de son labeur du jour. Ce soir, le souper sera vite expédié. Faustine raconte le marché d'été, Jack le rodéo, Maxime les veillait traverser et les performances de ses élèves. Tout de même, il a pris le temps d'en aller-retour à Cagnes pour voir les filles et s'est confirmé son aînée, Daphné, les rejoindra dans un mois pour les grandes vacances. Faustine ne se réjouit pas vraiment de jouer les babysitters. Elle espère in petto que Max se débrouillera pour distraire sa progéniture. Après tout, s'il lui refuse un enfant, pourquoi s'occuperait-elle des siens? Heureusement, elle aura l'excuse de son travail. Sur l'oreiller, Maxime lui rappelle qu'elle devra jouer le jeu avec la gamine. Personne ne sait qu'ils sont ensemble. Officiellement, Faustine sera juste une autostoppeuse française rencontrée par hasard, à laquelle il prête une chambre le temps qu'elle se refasse financièrement. Il tient beaucoup à cette version. Faustine se marre. Elle doute que la petite, 11 ans quand même, reste dupe longtemps. Il n'y a vraiment que les hommes pour croire à leurs propres affabulations. Enfin, qui vivra verra. Elle tente malgré tout. Tu ne trouves pas qu'on pourrait jouer carte sur table maintenant que ton divorce est pratiquement enregistré? Ben non, justement. Il s'en faut de quelques jours et je n'ai pas envie de prendre des risques si près du but. Écoute, un mois, ce n'est pas la mort. En plus, puisque tu dois bosser, je lui ferai visiter New York, Philadelphie et Washington, que tu connais déjà. Le temps passera très vite. L'année prochaine, pour compenser, j'inviterai les deux filles et je vous offrirai les plus belles vacances de votre vie. On ira à Disneyland, tiens, tu vas adorer. Ça, j'y croirai quand je te verrai. Oh mon amour, tu as été un prodige de patience et de compréhension jusqu'à présent. Je t'en prie, ne gâche pas tout dans la dernière ligne droite. Mardi matin, comme prévu, Maxime se lève tôt et part avec Jack faire le tour des garages avant de se pointer au boulot. Il a quelques heures à rattraper vu qu'il a passé tous les précédents week-ends à travailler à l'hôtel ou dans l'avion. Aux États-Unis, la voiture d'occasion est un marché florissant. D'innombrables revendeurs en proposent sur les bords des routes avec des adjectifs si dithyrambiques qu'on s'attend presque à les recevoir gratuitement. Ces vendeurs ont des têtes de faux cul pas possibles. D'ailleurs, ici, quand on parle d'un escroc, c'est bien simple. On dit qu'il a une tête à vendre des voitures d'occasion. Maxime se marre à chaque fois, surtout quand il signale un vice, caché à tous sauf à lui, qui s'y connaît en mécanique, et que le marchand change de tête, dépité de se voir découvert. Bref, très vite, la chance lui sourit par l'entremise d'une ravissante Fiat cabriolet jaune soleil qui répond à tous ses critères. De son côté, Faustine fait connaissance avec Bridget, le second chef du Waterloo. Faustine trouve qu'elle ressemble beaucoup à Sissy Spacek, dont Carrie au bal du diable qu'elle a vu à Paris peu de temps avant de s'envoler. Bridget la traite immédiatement sur pied d'égalité, avec beaucoup d'humour mais sans pitié. Cette femme est une véritable bombe. Son ventre la précède partout, difficile de faire autrement, sans l'empêcher de transporter des casseroles de 10 litres de fond de sauce ou des lèches-frites presque aussi grandes qu'elle. Même Faustine n'a pas la force de soulever aussi lourd. Celle-là, elle l'imagine tout à fait derrière un chariot en flammes avec un fusil deux coups en train de tirer sur tout ce qui bouge. « Bon, on va pas attendre 200 ans que tu décides, Miss Faustine. » Apporte-moi donc les noisettes qui dorment sous cette étagère. Je vais les griller pour la dacquoise. Faut se grouiller si on veut proposer un dessert ce soir. Et de soulever le sac de 5 kilos de noisettes, d'en renverser une bonne quantité sur une lèche frite et de la mettre au four. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elles sont refroidies, elle moule les fruits bien grillés. Elle les mélange au blanc d'œuf que Faustine vient de monter en neige ferme avec du sucre et un peu de crème de tartre. L'ensemble donne une pâte que la chef étale sur une grande plaque à pâtisserie. 10 minutes plus tard, elle la sort du four. Une fois refroidie, elle coupera dedans des bandes régulières. On dirait de la meringue. Presque. Ce n'est juste pas aussi friable. Tu vas prendre le livre de recettes et nous faire une crème au beurre praliné. Page 47. Tu prends la deuxième et tu respectes bien les quantités. Chef, oui, chef! Hurle Faustine au garde-à-vous. La crème au beurre achevée, bien froide, il ne reste plus qu'à l'étaler entre les strates de meringue. On décore le dessus à la poche à douille et le tour est joué. À la fin de sa journée, sachant que Maxime rentre tard, Faustine décide de s'attarder au bar du Napoléon où Cathy officie. Tout comme Faustine au restaurant Hart de Birsfelden, la serveuse offre ici le rayonnement de sa jeunesse. Elle semble partout à la fois, mène son petit monde à la baguette. Après avoir servi une bière à sa nouvelle collègue, elle enclenche la télévision qui trône juste au-dessus du bar. Son émission préférée va commencer. General Hospital est le plus vieux feuilleton télévisé du monde. Aux USA, on parle de soap opera. Aujourd'hui, il dure toujours. Avec ses 56 saisons, il compte 14 470 épisodes. En 1981, Faustine n'en revient pas. Créé en 1963, ça fait déjà 18 ans qu'il est on air. Il en faut du monde pour pondre ces épisodes à raison d'un par jour, s'il vous plaît. Cathy explique que certains feuilletons tournés en intérieur le sont en direct devant un public chargé d'applaudir à chaque réplique drôle et retransmis dans la foulée. Les acteurs ici sont quasiment des esclaves. Il faut produire vite. Ils se lèvent à l'aube pour tourner jusqu'à la nuit sans discontinuer. Plus que jamais, time is money à la fin des Trente Glorieuses. En attendant, Faustine est terriblement déçue. Accent pourri, image dégueulasse, si c'est ça le fameux progrès américain, ils repasseront.